Ne confondez pas donc les dons de prophétie. Je vous ai dit que c'est là où la magane est entrée dans l'église. Les gens citent par exemple Actes des Apôtres chapitre 2. L'esprit est descendu sur toute chair. Pas vrai? Vos fils et vos filles prophétiseront. J'ai d'abord posé une question ici. Si pose la main, là, je ne veux pas que vous leviez la main. Je vais vous montrer quelque chose. Tous prophétisent-ils? Tous prophétisent-ils? Répondez-moi, vous croyez ou pas, non? Non. Tout à la Bible vient de dire là-bas que vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vous avez dit, là, seulement vos visions de poids et autres là-bas qui vous poursuivent. Où est-ce que ça s'en trouve là, alors que Dieu a dit que ça en aura. Ça ne peut pas venir sans avoir d'abord été baptisé du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a. Le Saint-Esprit, c'est comme le carton dans lequel se trouve le cadeau. Vous pouvez avoir le cadeau sans le paquet là. Parce que c'est le don, le Saint-Esprit qui donne. C'est le Saint-Esprit donc qui entre, distribue à chacun comme il le veut. D'accord? Donc vous ne pouvez pas avoir le don hors du corps de Christ. Il n'y a pas un évangéliste qui est évangéliste sans être baptisé du Saint-Esprit. C'est qu'il n'est pas évangéliste. Il s'est autoproclamé. Parce que dans le corps qu'on trouve sa place. Quand il parle dans le corps, c'est pas dit dans la maison. Il parle du corps mystique de Jésus là. Amen. Et pour entrer là-bas, ce n'est pas par salutation que passe on est Jésus chrétien. Jamais. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Amen. Alors, si quelqu'un dit donc qu'il a été baptisé du Saint-Esprit et qu'il contredit l'apôtre Paul, il vient de dire clairement que le baptême à lui qu'il a reçu est un faux. Parce que je crois aux Écritures. D'accord, bien aimé. Donc le Saint-Esprit a dit que vos fils et vos filles prophétisent, vos jeunes gens auront des visions, vos vieux auront des songes. Oui, si mes serviteurs, si mes serviteurs, en ces jours-là, j'ai déversé mon esprit et ils prophétiseront. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit sur l'Église, parce que Dieu lui-même, c'est un prophète. Alors, quand cet esprit-là vient, il donne maintenant l'ordre à l'apôtre Paul, écrit, à l'un est donné par le même esprit, par la défendance, à un autre, par le même esprit, donc les prophéties, à un autre. Après, il pose la question, tous sont-ils apôtres? N'est-ce pas, on est apôtres par le Saint-Esprit? Le même Saint-Esprit qui fait quelqu'un d'apôtre, fait l'autre prophète. Tu vas me forcer pour être prophète, tu ne pourras pas, mais le Saint-Esprit t'a mis à ta place. C'est ici. Donc, l'apôtre Paul veut dire exactement ceci. Quel que soit le don que tu as, c'est le Saint-Esprit qui l'a donné. Restez en ce moment là-bas. Donc, corrigez. Si on vous a déjà appelé ici prophète, vous aurez corrigé la chose maintenant. Si vous avez l'authentique don du Saint-Esprit, vous avez le don spirituel, le don des prophéties, mais ça ne fait pas de vous prophétesse. D'accord, bien aimé? Et si la règle que vous avez enseigné que vous prophétesse, vérifiez seulement. J'attends les questions. Peut-être que vous confrontez cela à l'écriture. Et maintenant, pour vous expliquer quelque chose, je ne sais pas si le temps, je ne sais pas quel temps on a mis là. Je vais vous expliquer quelque chose, là où les gens foutent encore. C'est qu'on ne connaît même pas là où le Nouveau Testament commence. Et là, je vous pose la question. Le Nouveau Testament commence où dans votre Bible? Oui, frère. Après les apôtres. Quand vous prenez votre Bible, vous voyez comment la théologie est divisée, non? Que l'Ancien Testament va de Genèse jusqu'à Malachie. Le Nouveau Testament commence par Matthieu, c'est pas comme ça. Luc chapitre 2, là, quand on a le verset 36, c'est l'Ancien Testament. Chrétiens, réveillez-vous. C'est ça qui crée les choses. Vous savez, j'ai donné ça exprès. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de prophétiens dans le Nouveau Testament. J'ai entendu que quelqu'un. En fait, quelqu'un devait dire que non. Anne. Que non, je vais te regarder. Anne, c'est un prophétien dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas le Nouveau Testament parce qu'on est encore sous la loi de Moïse. Amen. Lisons Hébreux, beaucoup vous voyez de quoi il est question, d'accord? Lisons au moins, aujourd'hui, on n'a pas lu. Hébreux chapitre 9. Nous sommes bénis, n'est-ce pas, bien aimés? Non. Sinon, dis à ton voisin que même ça te fait du mal, c'est pour la guérison de ton âme. Amen. Nous y ouvrons Hébreux chapitre 9. Je veux lire avant de vous expliquer de quoi il est question. Hébreux chapitre 9. Hébreux le chapitre 9. Si tout le monde lit, je vais lire. Vous y êtes? Ok, je vais lire à partir du verset 11. Chapitre 9, regardez. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang, écoutez, prêtez attention, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. D'une nouvelle alliance. Avançons. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sur la première alliance. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Écoutez bien, c'est le verset 16. Suivez ça. Car là où il y a un, il est nécessaire que la mort du testateur soit. Ok. La Bible nous a enseigné que, souvenez-vous, la personne qui est en train de marcher là entre les mains de Marie, celui qui a ordonné l'ancienne alliance, celui qui a dit que la terre soit, la terre fut, Jésus là. Si ça vous semble bizarre, c'est ce que la Bible enseigne. Cette personne-là, je vais prendre un exemple pour vous saisir ce que la Bible est en train de dire. Après, on va continuer si Dieu permet. Quand tu as tes enfants, je ne sais pas comment on appelle ça, si tu fais des derniers volontaires, en anglais on appelle will. Testament, voilà, testament, c'est le mot, je ne sais pas parce que c'est écrit. J'ai fait ma dernière volonté que si je meurs, mon enfant prend telle maison, ma fille prend telle chose. C'est mon dernier, ma dernière volonté. La Bible veut nous enseigner que pour que ça entre en action, il faut que moi je quitte la scène. Amen. C'est. Amen. Donc pour que le testament fonctionne, il faut que le testataire meurt. S'il meurt, les personnes qui sont mentionnées dedans peuvent maintenant hériter. Jésus, donc, on a parlé d'une nouvelle alliance, on a parlé de la première alliance. Il naît sous la première alliance, il vient dans l'optique de présenter son sang pour que la nouvelle alliance entre en action. Dans le livre de Luc, si vous prenez depuis le dernier chapitre, là où Christ a été crucifié à la croix, ça serait ressuscité. Dans tous les quatre évangiles, c'est là où le Nouveau Testament commence proprement. Mais l'Église vient en action depuis Actes des Apôtres chapitre 2. La naissance de l'Église, c'est dans Actes chapitre 2. Amen. Donc quand vous lisez tout Matthieu, non, c'est pas le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament. Voilà pourquoi il va se confronter là-bas avec les rites et les rituels de Moïse. Huitième jour, il faut qu'il soit circoncis, selon la loi de Moïse. Il faut que sa maman envoie, vienne offrir deux tuteurs parce qu'ils étaient des familles pauvres, exactement comme la loi de Moïse le disait. Voilà pourquoi on dit aux gens que la présentation des enfants pour le Seigneur, ça n'a pas de sens dans l'Église, les gens ne saisissent pas. Vous dites que jusqu'on est bien présenté jusqu'au temple. Vous saisissez? Comment vous allez présenter jusque maintenant sans donner le pigeon? L'autre vous a dit non, on peut vous donner le pigeon parce que le sang de Jésus a parlé. Donc ça montre clairement que vous avez fait quelque chose qui ne va pas. La nouvelle alliance commence, si vous voyez dans votre Bible, un instant où lisez n'importe quoi, on dit Jésus est mort, il est ressuscité. Alors la nouvelle alliance va commencer. Donc dans Matthieu chapitre 27, où le Seigneur est mort et ressuscité, à partir de maintenant, mettez le but là-bas, avancez. À partir de là, le Nouveau Testament commence là-bas. Dans Jean au chapitre 19, où il est mort ressuscité, le Nouveau Testament commence par là-bas. Dans Marc au chapitre 15, et à mon temps, il est ressuscité. Dans Luc chapitre 24, à mon temps, il est ressuscité. Le Nouveau Testament commence là-bas. Voilà le Nouveau Testament, selon Dieu. Mais selon les théologiens, ouvrez votre Bible, on ne peut pas faire autrement. On nous a gâtés. Amen. Donc la Bible déclare que pour que le testament fonctionne, il faut qu'on constate la mort du testataire. Dans Luc chapitre 2, il est mort. Donc c'est l'Ancien Testament. Tant qu'il n'est pas mort, quand il est physique là-bas, même quand on l'entraîne à la croix, c'est encore l'Ancien Testament. Il faut qu'il meure, il ressuscite maintenant, le Nouveau Testament entre en action. Amen. Absolument, bien aimé. Donc ne citez plus, c'est le Nouveau Testament, Matthieu, jamais. Matthieu, c'est pas le Nouveau Testament. Amen. Amen. C'est pour cela donc, que les gens disent que non, voici une prophétesse. Quand on le contrôle, personne dit, voici une prophétesse dans le Nouveau Testament. Il ne sait même pas de quoi il est question. Alléluia. Amen. Je peux prendre les questions là maintenant. Je vais prendre les questions en expliquant encore. C'est un personnage qu'on a lu aujourd'hui. Déborah, Hulda et autres. J'ai placé ça dans ce contexte pour vous amener à comprendre aussi quelque chose. Cet Ancien Testament dont nous parlions, il y avait des choses qui étaient des hommes. Souvenez-vous de là, du rapport des proportions que je vous ai parlé par rapport aux prophétesses et aux prophètes. C'est pour vous montrer, en fait, je vais prendre les choses pour vous montrer directement pour vous saisir. Chaque fois que vous allez voir que les femmes vont parler dans la Bible, je vais prendre les deux femmes qu'on a vues particulièrement qui ont parlé. Hulda et Déborah. Remarquez très bien. Et nous sommes dans cette époque. Voici pourquoi les prophétesses sont en train d'être suscités. C'est l'esprit de cette époque. L'esprit de divination dans l'Église. Là où ici. Si vous lisez votre 7 âge de l'Église, c'est la seule église, c'est la seule église qui a le nom d'une femme. La 7e église, la Odyssée. La Odyssée, c'était la femme d'Antichus 2, quand il a conquis le moyen orient. Il a mis le nom là, c'est à sa forme. Donc, l'église de notre époque a l'esprit du féminisme. Les revendications des places. C'est que l'homme peut faire, la femme peut faire 8 mois soulevant le cabas. C'est entré dans l'église. Et on veut maintenant prendre la place. Il y a des femmes révérentes, il y a des gens à la télévision. Vous voyez comment on blasphème. La femme évêque. Et la Bible dit que si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Après, on dit virgule. Il faut que l'évêque soit un homme marié d'une femme. Une femme vient dire maintenant qu'elle est évêque. Et la Bible dit qu'il faut que l'évêque soit un homme marié d'une seule femme. Donc pour qu'elle soit conforme aux Écritures, il faut que se marie avec une femme. Donc on dit que l'esprit d'homosexualité de lesbienne est en train d'entrer dans l'église. Vous saisissez? Ok. Donc Dieu a mis les écritures, après il nous a montré des types, le pourquoi il a laissé cette femme-là faire ceci. C'est ce que je vais vous montrer. Pourquoi il a permis ces choses. La proportion montre déjà que ce n'est pas la volonté de Dieu. En fait, allez dans l'ancienne alliance, regardez les Lévites, vous ne voyez aucune femme dans leur service. Saisissez? Regardez dans le groupe même des pharisiens qui étaient radicaux, qui étaient des groupes radicaux. Il n'y en avait pas. 70 personnes qui avaient été prises au milieu de Moïse pour alléger Moïse par rapport à son charge, pour que l'esprit descende sur eux, il n'y avait aucune femme. Jésus est venu, il n'a pas fait la dérogation de ces choses-là. Il a choisi des apôtres, il n'y avait pas de femme. Amen. Regardez, observez quelque chose là. L'apôtre Paul dit qu'elle doit rester le silence, comme le dit aussi la loi. Pour dire que quoi, que ça n'a pas changé. Parce que après le commencement, quand la femme a péché, fait pécher l'homme, Dieu a donné un ordre qui ne peut pas être transgressé. Tes désirs se tournera vers ton mari, il gouvernera sur toi. Ça n'a pas changé. Amen. Amen. Depuis là, il n'y a pas un seul verset de l'égalité entre l'homme et la femme dans la vie. Il n'y en a pas. Nulle part. Ni dans l'ancien, ni dans le nouveau. Mais soeur, regardez ta voisine, dit qu'il faut que 8 mars quitte notre esprit. Donc le simple fait même que vous achetez ces cabas de 8 mars, c'est parce que vous frustrez les hommes de vous en offrir. Ça montre que vous achetez l'esprit des rébellions. Donc, journée internationale des rébellions de la femme. Je vous en dérive, c'est quelque chose qui est ça, c'est en fait pleurer parce que ça bloque le mouvement du Saint-Esprit. Il faut que la femme prenne sa place, que les femmes prennent leur place, les hommes en prennent. C'est ce qui va montrer maintenant. L'esprit des divinations est entré dans l'église au travers des femmes parce que les hommes ont vendu les droits de naissance. Et c'est exactement ce qui est écrit qui est venu dans les deux cas qu'on a vu qu'elles ont prophétisé là. Il y a encore du temps, frère. On lit quelques passages. 10 minutes. Alors, c'est dans le livre des juges. Regardez. Ces juges-là. Parce que les femmes, quand je vois les femmes discuter, je regarde comment l'esprit de Jézabel est en train d'agiter en elles. Elles essaient de prendre les versets pour se justifier, mais il n'y en a pas. Je vais vous prendre Déborah que les femmes utilisent. Je vais vous montrer de quoi il est question. D'accord? Souvenez-vous, je ne passerai pas des bics dans votre Bible. Ça ne doit pas changer. C'est ce qui est écrit que vous allez lire. Juges. Donc, en fait, quand vous allez lire maintenant, un verset va changer autrement. En fait, on va seulement lire maintenant le verset qui était écrit qu'on ignorait. D'accord? Ok. J'ai lu quel livre déjà, bien aimé? Juge. Permettez-moi de trouver. Juge, chapitre 4. Regardez bien. Hein. Je vais les surveiller attentivement. Vous vous souvenez de ce qu'on a lu aujourd'hui, les deux derniers jours dans Matthieu chapitre 24, où Jésus a dit qu'au dernier jour, ils se lèveront de Paul-Christ, n'est-ce pas? Ils se lèveront. Ils se lèveront. Maintenant. Vous savez, c'est ma façon de prêcher ici. Toujours pour que j'entre dans quelque chose qui est nouveau, il faut que je revienne un peu derrière pour amener les gens à comprendre. Juge, la période des juges, il n'y a pas encore. Israël n'est pas encore organisé. Donc, Dieu suscite des juges au milieu des gens pour pouvoir les conduire. Mais lui seul devient, reste leur roi. Et Dieu voulait qu'il soit seulement le seul roi. En fait, il le sera. D'accord? Durant ce moment, donc là, si vous lisez depuis le chapitre 2, regardez bien, depuis le chapitre 3, vous allez voir, on va parler des Oniel. Israël va être têtu devant l'Éternel, Dieu va susciter des ennemis, soit les Philistins, soit les Manzanés, ainsi de suite. Vous allez voir, après ils vont faire 40 ans, ainsi de suite, Dieu suscite quelqu'un, Oniel par exemple, pour le délivrer. Au chapitre 3, je vous amène seulement, il va susciter Ehud, pendant qu'Israël va encore faire une autre année encore. C'est-à-dire que Dieu les délivre. Ils sont un peu avec Dieu. Un de ces jours, quand celui qui les a délivrés meurt, il est enterré, l'autre génération encore devient encore perverse, pire que l'autre génération. Alors, je les laisse qu'on opprime sur eux, on opprime sur eux, juste parce qu'un temps, il pleut encore, il suscite encore d'autres personnes. Donc, amusez-vous à la maison, à lire depuis le chapitre 3. Vous avez remarqué qu'il y a Oniel, il y a Ehud, il y a Shamgar, ainsi de suite, qui sont donnés. Littéralement, ces hommes-là, Dieu va dire dans la Bible qu'ils criaient à l'Éternel. L'Éternel les suscita Shamgar. L'Éternel les suscita Oniel. L'Éternel les suscita Ehud. D'accord? On se retrouve au chapitre 4, mesdames, disons. C'est bien positionné maintenant. Regardez. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Ehud fut mort. Vous avez vu? Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatsor. Le chef de son armée était Sisera, il habitait à Hatsor, cher Goïm. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Remarquez le mot, si vous allez voir dans le chapitre 3, il crie, Dieu envoie Oniel. Il crie, il envoie Shamgar. Il crie, il envoie Ehud. On dit ici, au chapitre 4, les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Regardez bien, regardez. Criaient à l'Éternel. On ne dit plus rien. On dit, ils criaient à l'Éternel car Jabin oppressait avec des quoi? Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Regardez bien, dans là où verset commence. On dit quoi? Dans ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Déborah, prophétesse, femme de Lapidot, était juge en Israël. C'est terrible. Je disais dans le livre d'Ésaïe chapitre 3, prenez votre lecture depuis verset 12 jusqu'au verset 16, il dit que mon peuple Israël a des femmes, ce sont les femmes qui les dirigent. Dieu, ça scandalise Dieu. Ce sont les femmes que vous dirigez. Ok, maintenant, regardons. Après, quelque chose va se passer là. Allons au chapitre 5 pour dire, je vais te laisser le Déborah parler, d'accord? Parce que tu as dit que Déborah ministre, c'est un ministère de rébellion en Dieu. Donc, regardez, on n'a pas le temps. Prenez le temps de lire depuis le chapitre 3, comme j'ai expliqué là. Relisez et tombez au chapitre 4, puis le chapitre 5, comme on va dire maintenant. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Pour les uns, Dieu a suscité. Mais ici, on a dit nulle part que Dieu a suscité, n'est-ce pas? Laissons Déborah parler. Comme elle a d'ailleurs fait d'accord. La Bible déclare que c'est elle remarquait très bien. En ce temps-là, il y avait Rama où le prophète Samuel allait de temps en temps. Regardez bien, on dit clairement là-bas qu'elle siégeait sous le palmier de Déborah. Dans le chapitre 4 là, la première dénomination, c'est elle qui a créé une femme. Elle avait mis le plan là-bas que palmier de Déborah. Les gens qui étaient partout pour venir dans son église. Et son église se trouvait entre Rama et Bethel, les lieux où Dieu s'était manifesté. Elle avait fait sa part. Chapitre 5, allons-y. Regardez bien. En ce jour-là, nous sommes au chapitre 5, vous y êtes? Amen. En ce jour-là, Déborah chanta ses cantiques avec Barak, fils d'Abinoam. Regardez bien, regardez. C'est Déborah qui a parlé de sa bouche. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël. Et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille, je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel, ça ne fait rien, il n'y a pas de nous, en pensant. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis des Séir, quand tu t'avanças des champs des Dômes, la terre trembla et les cieux se fondirent et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent, c'est Déborah qui chante devant l'Éternel. Ce Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous y êtes au temps de Shangar, fils d'Anat, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées. Et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël. Sans force. Quand? Lisez. Vous avez entendu ce qui est écrit? Vous avez entendu? Qui l'a proclamé juge? Vous allez lire votre Bible là autrement, je vous dis. Vous allez lire votre Bible là comme le Saint-Esprit le veut. Remarquez très bien. Rentrez à la maison, suivez ce moment. Chaque fois que la Bible va déclarer, depuis le chapitre 2, chapitre 3, on va dire les enfants d'Israël criaient, l'Éternel les suscita. Ici, on dit, ils criaient, Dieu n'a pas dit quoi que ce soit. Déborah elle-même chante quoi? Que les chefs étaient sans. En fait, si vous lisez l'histoire, vous allez voir très bien qu'il y a un monsieur qu'on appelle Barak. Il va dire que viens ou pas au combat, il dit Déborah, si tu ne viens pas, moi, je ne pas. C'est-à-dire que les hommes étaient devenus peureux. Et chaque fois quand les hommes vont faire comme ça, les hommes vont abandonner leur place, la femme s'auto-proclame. C'est le cas également de Oulda. Les gens avaient abandonné la loi des temps, puisque c'est sous Josias. Les gens avaient abandonné la loi des temps, on faisait n'importe comment. Et une femme là-bas, Oulda, qui s'est levée par là. Ce n'est pas normal. L'église ne doit pas faire cette erreur-là de laisser les femmes enseigner, de laisser les femmes prophétiser au milieu de l'assemblée. Il faut qu'on se repente et que les temps de renversement viennent afin qu'il y ait les dons des prophéties. D'accord. Elle dit qu'elle s'est levée. Elle s'est levée comme une mère. Comme Jésus a bien dit qu'au dernier temps, les gens vont se lever. Si la Bible déclare que Dieu suscita Déborah juge, je dépose la Bible, je ne prêche plus parce que je connais ce qui est dit des Écritures. C'est-à-dire qu'avant de lire ce verset, je savais que ça devait se retrouver quelque part. Parce qu'il sait que Dieu est immuable du début jusqu'à la fin. Il ne peut pas se contredire. Il ne peut pas dire une chose A pour la même chose, il dit B. Ce n'est pas possible. Notre Dieu n'est pas comme ça. Déborah, quand j'ai lu ça, il dit, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit, viens, mais c'est ce que j'en ai vous dit. J'ai lu le livre des juges. Il a dit, reviens, retourne, observe. Parce que j'étais en train de dire, Seigneur, parce que ce que Dieu m'a révélé, je suis étonné de voir qu'il y a tellement de doctrines dehors. Je ne suis pas passé par des choses de formation, des écotéologies. Je ne suis pas passé par là. Dieu m'a formé dans la Bible. Alors je dis, mais c'est comment je prêche à cette femme-là? On m'a dit que Déborah a été aussi prophétesse. Saint-Esprit dit, va t'asseoir. Il m'assoit, il dit, lis. Je passe, vroom. Il dit, que tu as vite passé. Je t'ai dit de lire, je n'ai pas dit de finir. Je lis, il dit, stop, regarde, ainsi par l'Éternel, il a suscité. Regarde là-bas. Il dit, cherche là où je l'ai suscité. Dieu m'a regardé. Quand j'ai vu le jour-là, j'ai couru dans la maison 400 fois. Que waouh, je tiens maintenant la clé. Donc, toute femme qui se lève pour faire un ministère, elle s'est levée. Dieu ne l'a pas envoyée parce que Dieu a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas. Écoutez, il y a encore une autre amalgame. Dieu n'a pas dit que la femme ne peut pas le faire. Il y a des femmes qui peuvent enseigner, mettre les places, les paroles là où ça doit être. Dieu m'avait dit un jour, parce que je suis frustré souvent, je vais devant Dieu. Seigneur, déjà me disent que Dieu, la femme peut. Dieu m'a dit stop. Il m'a dit, je n'ai pas dit la femme ne peut pas enseigner, elle peut le faire, mais elle ne doit pas le faire. Ça avait réglé le problème. Ça avait réglé. Je suis encore rentré là-bas pour regarder si c'est le mot qui est là-bas. Dieu ne peut pas se tromper. Le verbe, ce n'était pas, ne peut pas enseigner. Elle a dit que je ne permets pas. Donc, directement, le ministère d'enseignement et de conduite spirituelle est ôté entre les mains de la femme. Il y a de ces bêtises qu'on chante que jusqu'à venir changer l'identité de la femme. Vous avez venu changer votre identité. Que la femme qui n'avait pas parole aura parole ce soir-ci. Heureusement que c'est mal le soir qui chantait. Parce qu'il a dit que c'est soit la femme qui était condamnée à prendre la parole, c'est soit la femme qui va parler. Il a bien dit que c'est soit là. Donc, on le permet cela. Alléluia. Amen. Donc, ouais, le Dieu, Jésus est venu de la croix pour mourir pour changer l'identité de la femme. Alors que c'est elle que nous créons ici sur la terre. Amen. Amen. Donc, je vais seulement vous montrer en résumé que les gens, la justification des gens, ça ne pas. On va prendre la Bible tord. La seule chose que vous pouvez faire, c'est tordre la Bible. Il y a aussi ici. La parole de l'écriture est claire. Les théologiens savent de quoi il est question. La Bible est claire. La façon d'étudier l'écriture est claire. Les paroles qui sont obscures doivent être éclairées par les paroles qui sont plus explicites. Vous pouvez prendre une parole qui est aussi claire que je ne peux même pas avoir enseigné pour essayer de dire qu'il y avait quelqu'un, une femme aussi là-bas. Que dit les... Comment, maman? C'est 1 Timothée chapitre 2, verset 12. Il y a aussi 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33 à 37. Et la Bible est claire. Pour ceux qui disent que c'est un problème corinthien ou éphésien, il dit que comme dans toutes les assemblées des dieux, donc s'il y a l'assemblée de Dieu seulement à Corinthe, que ce soit là-bas. Et souvenez-vous de ceci, c'est uniquement à Corinthe où on parle des dons spirituels, donc ne les priez même pas. C'est que ça les concernait. Alléluia. Ok, j'attends les questions. Donc, le temps où les femmes l'ont dominé, les hommes avaient laissé, comme Jeudebourg a dit, il dit que les chefs ont dominé sur le peuple. Au moment où les routes étaient abandonnées, vous voyez cela, c'est-à-dire que la voix de l'Éternel était abandonnée. Il dit qu'elle s'est levée. Elle a regardé comme ça, il n'y a personne pour prêcher, il n'y a personne qui pour parler. Elle s'est levée. Elle s'est levée, c'est terrible. Amen. Mais je vous aime bien aimé, posez des questions maintenant. Bombardez. On va prendre par au commencement de gauche. Oui, frère. Ah, oui, non, je n'ai pas dit le sexe. Je veux parler des gens. Le genre. Vous voyez pourquoi il est important qu'on pose des questions. C'est que le frère ne va pas dire que le garçon il a, il est pervers. Je parle de la gente féminine. Parce que l'église est le féminin. C'est ce que j'en ai dit, oui, frère. La dernière question, il y a toujours cette parole dans 1 Corinthiens au chapitre 11. Oui. La femme à cause des anges. Absolument. Doit avoir sur la tête une marge d'autorité dont elle dépend. Oui. Pourquoi des anges? Bonne question. Cette parole se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 10, où on parle particulièrement de la marque de l'autorité. Il n'y a pas de temps pour parler de cela. Chapitre 11, c'est ça non? Chapitre 11. En fait, on parle là-bas depuis le verset 3 jusqu'au verset 15 là-bas. 16 versets pour expliquer le gouvernement de Dieu. C'est terrible. Une femme seulement qui prie vient de montrer à Dieu clairement qu'elle prend la place de Ève qui avait désobéi. Prie sans avoir le foulard sur la tête. Donc tu es désobéissant. Ok. Donc, en lisant ce verset-là, c'est une question qu'on pourrait arrêter de développer, mais je vais seulement glisser rapidement. Il dit, une femme qui prie ou qui prophétise la tête, nous voilà déshonorer son chef. Il dit, après, il explique, après avoir tout expliqué, il dit, c'est pourquoi la femme, à cause des anges. Il y a un enseignement de 3 heures que j'ai fait là-dessus. Je vais mettre ça à votre disposition si Dieu le permet, d'accord? C'est bien développé. Je vais seulement vous mettre à disposition si Dieu le permet, si le frère permet, vous pourrez avoir cela. Il n'y a pas le temps de parler parce qu'on ne peut pas prendre juste le verset parler. Quand l'apôtre Paul dit que Christ est le chef de tout homme est le chef de Dieu, comprenez cela dans tout le sens de l'écriture, le pourquoi il en a dit. Il passe le temps dans 16 versets pour parler du voile, des cheveux qu'on ne doit pas couper et autres là. C'est important. Ce sont les doctrines chrétiennes. Quand les gens disent que non, il ne faut pas qu'on dise des choses qui vont frustrer les gens. Il faut qu'on enseigne ce que la Bible a enseigné, d'accord? Alors après, arrivé là-bas dans le verset 10, il dit que c'est pourquoi la femme à cause des anges. Je vais y arriver sur à cause des anges. Mais donc, à cause des anges d'abord de côté, il dit c'est pourquoi la femme doit une obligation. Doit. La femme doit avoir une marque, un signe distinctif. Un signe qui va, en regardant, on va distinguer qu'elle est différente de l'homme. Et on dit que son obéissance dépend de cette foulard. Doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Elle dépend de ces foulards. Elle dépend de ces foulards. Vous savez cela? Donc, une femme qui est soumise à Dieu a un foulard. Une femme qui n'est pas soumise à Dieu montre clairement qu'elle a pris la place de Lucifer. Je vais vous expliquer. C'est profond. Une place. Voici pourquoi je vous ai dit qu'une femme qui prend la place de Dieu montre clairement qu'elle refuse le mariage entre Satan et elle. Que dit des mèches, les faux cheveux que vous mettez? En refusant les cheveux que Dieu vous a donné, la naturelle. C'est toi qui as posé la question, c'est pas moi qui ai posé la question, je suis en train de toucher. À l'instant, tu as une main sur la tête, tu viens de dire à Dieu que je refuse le naturel. Parce qu'il a dit que, regardez. Ne dis pas encore Amen que très tôt. Je vais vous dire, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Mais si vous m'aimez, même si vous ne m'aimez pas, je vais parler. Même si vous ne m'aimez pas, je vais parler. Nous parlons de l'esprit de divination, n'est-ce pas? Je vais te dire, dimanche, je vais vous parler vraiment en profondeur. Dans ces 1 Corinthiens 11, l'apôtre Paul parle de trois choses différentes. Du gouvernement de Dieu, 1. 2. De la place de la femme dans le culte et de l'homme sous ce gouvernement. Après, maintenant, il parle de la tête, la représentation de la tête comme signe de gloire pour l'un et pour l'autre. D'accord? Pour l'homme, il dit que l'homme ne doit pas avoir de longs cheveux. Donc, si tu es un homme que tes cheveux poussent, tu es appelé à couper. Pour la femme ne doit pas couper ses cheveux. Une seule femme, la Bible nous enseigne que si la femme coupe ses cheveux, si elle est mariée, le mari a le droit de demander le divorce. Peut-être ça vous fait bizarre là. Je vous dis, votre tête va tourner comme ça, 460 degrés. Et si une femme coupe les cheveux, la Bible autorise à son mari de divorcer parce qu'elle est devenue une prostituée. Coupez seulement le cheveu. Attendons. Maintenant, par la suite, Dieu va dire quoi dans 1 Corinthiens au chapitre 11? Il va dire que la femme ne doit pas couper ses cheveux parce que la chevelure lui a été donnée. Le mot grec là-bas, c'est peribolaion. C'est-à-dire, la traduction, du moment qu'on devait mettre en français, c'est pas voile. La chevelure lui a été donnée pour voile, c'est pas la vraie traduction qui devait être figurée là-bas. Ce qui est écrit, qui devrait être écrit, c'est la chevelure lui a été donnée pour parure, pour ornement. Donc, l'ornement de ta tête, Dieu a déjà donné. Si tu refuses, là, tu peux prendre maintenant quelque chose d'autre, tu veux mettre. Tu as dit à Dieu, parce que je vous ai dit que vous aimez Satan. Et il vous aime. Tu as dit à Satan que je déteste Dieu, je t'épouse. On va développer ça dimanche, quand il va dire pour sortir, d'accord, frère? Donc, Satan, attends, frère, attends, non. À cause des anges, je vais vous expliquer ça pour que vous saisissiez. Lorsqu'on rend ministère, les anges y sont. Lorsqu'on rend ministère, chaque fois, les anges y sont, n'est-ce pas? En fait, c'est pas ça que le Saint-Esprit allait dire. Si vous lisez Ézéchiel, quoi, Ésaïe chapitre 14, Satan s'est levé au-dessus de la position qu'il avait, de la soumission. Dieu devait être la tête de toute puissance. Satan s'est levé en levant la tête et par conséquent, tous les anges qui l'ont suivi ont levé la tête. Alors, toute personne qui se lève, qui laisse la tête, une femme par exemple, qui ne veut pas se voir la tête, elle prend la position de rébellion en voulant lever la tête au-dessus de son chef que Dieu a établi. Amen. Vous saisissez? Oui, amen. Donc, permettez qu'on revienne sur ça. Si le Seigneur le permet, d'accord? Ce n'est pas le moment. Posez des questions. Je vous ai dit, l'esprit de divination au milieu chrétien, ils aiment les femmes. Oui, frère. Okay, j'aimerais aussi poser une question concernant le voile que vous avez posé tout à l'heure. Que vous avez expliqué. Oui. Je voulais savoir si une femme qui n'est pas voilée, oui. Et qu'elle prie Dieu, est-ce que sa prière est aussi? Absolument. Bonne question. Voici encore une autre chose que j'ai regardé dans le milieu chrétien, qu'on ne connaît pas le Dieu qu'on a desservi. Je veux que vous saisissiez ceci. L'exaucement de votre prière n'est pas une certitude de votre bonne relation avec Dieu. Amen. Amen. Je vais prendre ça un exemple pour que tu saisisses. Prenons deux maisons qui sont A et B. Dans la maison A, un chrétien digne s'y trouve. Dans la maison B, un mondain vraiment digne s'y trouve. Les deux lavent les habits, ils sèchent dehors. Le soleil sèche quel habit? Qui les fait sécher? Notre Bible fait comprendre qu'il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. Ce n'est pas ça qui est le problème. Donc, ce n'est pas l'exaucement, la prière qui est le problème. Le problème, c'est tout au niveau de l'obéissance. Et je vais vous expliquer encore quelque chose pour vous saisir. Si vous lisez 1 Samuel chapitre 15, où Dieu avait donné l'ordre à Saül d'aller détruire tout le peuple là. Remarquez très bien. Saül a fait l'œuvre au moins à 99%. Parce qu'il avait tué, il y a seulement le bœuf gras qu'il avait laissé. Je vais vous expliquer quelque chose pour que vous saisissiez. Quand il dit ça dans la Bible, je crains. Quand Dieu est entré en action, Dieu n'a pas dit que tu as fait ici jusque-là. Dieu a considéré la désobéissance qu'il n'a pas faite. Donc, Dieu n'a pas regardé 99% qu'il a faite. Vous saisissez? Pour Dieu, c'était la désobéissance. Parce que ou tu obéis à Dieu, ou tu n'obéis pas. Amen. D'accord, mon cher? Donc, le fait, j'aimerais entrer dans l'écriture pour vous montrer cela. Que le fait que Dieu exauce les gens n'est pas un signe que Dieu avait eux. Dieu a exaucé Pharaon. Il a fait guérir sa maison, les gens accouchaient. Sarah, lui, la femme d'Abraham, était stérile. Vrai ou faux? Le pharaonique, là, était avec Dieu? Non. On aura le temps de parler de tout cela. Posez des questions. Oui. Parce que j'ai une préoccupation. Vous avez dit que les caractéristiques d'un prophète. Oui. Nous avons des visions. Oui. Et des songes. Et donc, le discernement des esprits. Oui. Une femme, donc, qui a des visions. Oui. Peut-être Esther, des craintes. Oui. Est-ce que ça vient donc de Satan? Puisque vous avez dit que ce sont des caractéristiques. Non, c'est parce qu'on n'a pas bien saisi comment je voudrais le dire. Voici ce qu'il veut dire. Si une femme a des visions, les femmes peuvent avoir des visions. Parce qu'il a dit qu'il donne les songes et les visions à tout le monde. Je vais dire que voici quelque chose que le prophète englobe. Il a toutes ces choses-là. Voici pourquoi le prophète peut faire le ministère Oh, il y a une chose que je voulais expliquer là. Les prophètes dans l'Ancien Testament, les prophètes dans le Nouveau. Pour que vous voyez de quoi il est question. Tu permets que je dise ça un instant avant de toucher ceci, à moins que tu veuilles finir. Regardez, dans l'Ancien Testament, je vous ai dit que les prophètes naissent prophètes, n'est-ce pas? Dans le Nouveau Testament, même s'il naît prophète, il faut qu'il soit incorporé au corps de Christ par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Je vais vous expliquer ce que je suis en train de dire. Prenons un enfant qui est prophète. Dès l'enfance, il va avoir les visions, même sans être baptisé du Saint-Esprit, parce que son esprit, c'est l'esprit des prophètes. Mm. Vous savez ce que je suis en train de dire? Il va grandir, mais comme on est à la nouvelle, il va falloir qu'il soit converti, c'est-à-dire qu'il soit incorporé dans le corps pour qu'il soit prophète dans l'église. Vous savez ce que c'est? Donc, ce n'est pas que quand il va entrer dans l'église qu'il va commencer à avoir les visions. Les prophètes ont ça depuis la naissance. Ce n'est pas comme les autres ministères évangéliques au-delà qui va commencer à prêcher. Pas commencer à prêcher. Ce n'est pas comme ça. Il faut qu'il vienne dans le corps avant de trouver. Le prophète est différent. C'est le seul et le seul être. Voici, je vais donc dire encore quelque chose pour qu'on puisse corriger le langage qu'on utilise. C'est seulement à eux que Dieu a dit l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Pas aux évangélistes. Pas aux pasteurs. Pas aux docteurs. Ils ne contrôlent pas leur esprit. Mais Dieu a donné l'autorité aux prophètes d'avoir le don et de contrôler l'esprit. Le cas d'Élisée là vous dit ça vraiment. Il dit que mon esprit n'était pas quitté. Alors que ce monsieur-là, ça a donné des chats. Pourtant, il était ici. Élisée était ici. Vous savez ce qu'il dit? Donc, son esprit s'est baladé là-bas. On reçoit le message. Peut-être que quelqu'un a dit prochainement que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Couper les louanges. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Tout le monde n'est pas prophète. C'est le prophète. Il peut recevoir le message de toi. Il garde 400 ans. Il te dit. Il te dit à l'instant là. Le seul fait qu'on vous allez me supporter ça, que je fasse cette folie-là. Si vous faites pop, ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si un ministère vraiment doux que je puisse avoir, c'est le ministère du prophète. Il peut être avec toi comme ça, là. Il a le message. Prenons le cas de Samuel avec Saül. Quand Samuel est venu chez lui, il a donné l'outil à manger. Il ne savait même pas qu'il y avait quelque chose. Il dit, embrasse ton serviteur, il va te dire tout ce qui est sur ton cœur. C'est terrible. Il lui a détaillé exactement. Il dit, tu vas partir, tu vas rencontrer les gens qui ont le peur. Tu vas avancer, tu vas voir les gens qui sont sur lui. Tu vas commencer à prophétiser, ton cœur va changer. C'est arrivé exactement. Le message, il n'a pas eu là-bas. La veille, Dieu lui avait montré. Vrai? Samuel n'a pas fait comme ça. Bon, ce qu'il veut dire, c'est ceci. Dieu donne des visions et des révélations à son peuple distinctement. C'est différent des prophètes. Dans ce 1 Corinthiens chapitre 14 que nous avons lu hier, remarquez très bien, on a parlé pour ce qui est des prophètes. Après, on a dit que ceux qui sont assis ont des révélations, que l'autre s'arrête. Donc, la révélation est différente des prophètes. Parce que Dieu peut donner des révélations à son peuple par n'importe qui. Mais le prophète reste prophète. Dieu peut décider de passer par lui. Ce qui sont les dire, c'est que le prophète a en même temps le don de discernement des esprits. Hein? Les visions et les songes, écoutez bien le mot, permanemment. C'est-à-dire que pas déjà une personne qui dorment comme ça va dire que j'ai rêvé comme ça. Ils peuvent rêver comme ça là. Même étant comme ça là, ils voient la chose se dérouler au devant de lui. D'accord, ma soeur, c'est ça que je viens de dire. Jusque là, ça ne fait pas d'elle les prophétesses. C'est ce que je viens de l'expliquer. Ça ne fait pas d'elle les prophétesses. Elles peuvent avoir le temps de discernement. Non, le temps de la parole de Dieu. Absolument, absolument. Tous les dons spirituels, enfin, arrangeons encore une autre chose. Dans ce 1 Corinthiens chapitre 12, là, tous les dons spirituels, là, c'est pour les hommes et pour les femmes. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 12 que vous avez là, les femmes ont accès à tous ces dons-là. Maintenant, ne confondez pas les dons avec les ministères. Amen. C'est ça le problème, c'est ça le magam. Ne confondez pas les dons avec le ministère, oui. J'avais encore une autre question. Oui. Non, c'est pas ça, ma soeur. Évêque, c'est épiscopos. Diacre, c'est ancien, d'accord? Oui, ancien. Ok, maintenant vous allez encore comprendre pourquoi la femme ne peut pas y être. Avançons. Et la femme doit se taire. Absolument. Avec la femme, on ne doit pas faire. Comment? On ne doit pas faire la. Non, c'est pas là, c'est ça. On n'a pas le temps de parler de cela, mais le dimanche, permettez que, comme c'est dans la journée, qu'on puisse répondre à ces questions, c'est d'accord? C'est pas comme ça, il faut qu'on réponde de façon structurée. D'accord, ma soeur? Mm-hmm. Le Saint-Esprit a régalisé tout chose dans la Bible pour qu'on ne puisse pas avoir d'ambiguïté. Donc, évêque, permettez, évêque, c'est épiscopos. Dans ce 1 Corinthiens chapitre 17, où l'apôtre Paul a appelé les anciens de l'église, il dit que percez le troupeau de Dieu que le Saint-Esprit vous a appelé évêque. Les gens qu'on appelle anciens, c'est eux qu'on appelle évêque. Il y a évêque, épiscopos et évêque qui sont les épiscopos, c'est-à-dire épis en grec, pokos, c'est-à-dire que ceux qui suivaient par-dessus, les surveillants. D'accord? Il y a presbytérios, les anciens qui sont en maturité. Où c'est ici? Et les anciens, donc, voici donc le pourquoi. L'apôtre Paul se présente comme un ancien, l'apôtre Jean se présente comme un ancien, l'apôtre Pierre se présente comme un ancien. Parce que les anciens, on n'a pas le temps d'entrer à ce domaine, sont incorporés dans le ministère des cinq dons là. C'est le ministère d'Éphésiens chapitre 5. D'accord, ma soeur? Oui. Oui. La femme ne doit pas exhorter. Je n'ai pas dit ça. Elle ne doit pas, ça veut dire que. Non, je n'ai pas dit ça. L'écriture l'a dit. Mais vous avez dit, ça veut dire que même. Non, je n'ai pas dit. Okay. Arrangeons-nous d'abord que l'écriture a d'abord dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est moi qui ai dit sur l'écriture. Okay. Voilà, je n'ai pas dit. Oui. Ça veut dire qu'on ne doit pas, même l'évangélisation ne doit pas faire. Même l'évangélisation ne doit pas faire. Je sens vraiment qu'il y a besoin on a un travail là. Attendons doucement, d'accord. On va voir quelque chose. Vous permettez que dimanche, on puisse répondre à ces questions-ci. Voilà, pourquoi on ne gâche pas la soirée, d'accord. Mais souvenez-vous de ceci. J'avais prêché quelque part, j'ai dit quelque chose, peut-être les gens ont semblé, ont cru peut-être que j'étais fou. Au fur et à mesure, j'étais en entendant ce que je disais. J'ai dit, la première mission que Dieu a donnée aux chrétiens, ce n'est pas d'aller prêcher, c'est d'abord de vivre la parole. Amen. Ils n'ont pas saisi ce que je voulais dire. Quand les gens viennent à Christ, ils disent, non, les gens périssent dehors. Avant que tu ne se réalises, les gens périssaient. Aucun des enfants de Dieu ne doit périr. Si Dieu veut les sauver d'une façon ou d'une autre, il va les sauver. Le problème, c'est qu'il faut que toi-même, tu te rassures que tu es dedans. Amen. Vous savez ceci? Si tu te rassures, tu te trouves exactement que tu es dedans, il n'y aura pas d'ambiguïté quant à ta place. Donc, les chrétiens s'embrouillent. Jusqu'à avec, à donner ça en parabole. Hypocrite. Autre, premièrement, la poutre. Non, pas la paille. Parce que la paille est petite. Parce que quand on voit pour quelqu'un, on croit que c'est petit. Il dit que, autre, premièrement, la poutre qui est dans tes yeux, et puis tu pourras voir la paille. Dieu veut dire clairement que si on veut accuser quelqu'un, c'est plus grave sur nous. Et donc, il dit, vous êtes la lumière du monde. Si vous avez la lumière, donc, que votre lumière, donc, luise. Amen. Les ténèbres ne peuvent pas aller éclairer. Si vous posez la question, quelle est votre position? En fait, vous me posez la question. Dimanche, je vais vous poser des questions. Donc, on va prendre ça dimanche, si le Seigneur le permet. Oui. Oui, maman. Oui, je voudrais savoir, comme dans nos églises, vous voyez, il y a le ministère des femmes, il y a le ministère des enfants. C'est je ne sais pas si la femme peut avoir autorité sur notre femme. C'est ce que la Bible enseigne. Mais attends, l'autorité dont la Bible déclare est à l'homme et à la femme, ce n'est pas l'autorité dans la dictature. Souvenez-vous de ceci. Parce que Jésus a dit dans Matthieu que vous savez que dans le monde là-bas, c'est la dictature là. Vous voyez l'oppression. D'accord, la tyrannie. Il dit qu'il ne faut pas que ça soit ainsi au milieu de nous. Parce qu'il ne faut pas que. Non. Quand je parle, on ne parle plus. Ce n'est pas de ça dont il est question. D'accord. Donc l'autorité en milieu chrétien, c'est l'autorité dans la soumission mutuelle et dans l'amour. C'est ça. D'accord, ma soeur? Oui. Comme la parole dit, la femme doit être prise. Oui. Absolument. Alors, j'aimerais savoir, puisque la Bible nous demande de prier sans cesse. Oui. Quand on est dans le quartier au bureau. C'est la même question que je trouve dans le monde entier. C'est toujours la Bible qui a dit prier sans cesse, non? Oui. Ok. Tu poses une question. Absolument. Je vais poser la question qui me mérite de poser. Tu portes ta chaussure partout. Oui. Tu portes ta chaussure partout. Oui. Ok. Quand c'est besoin, quand tu as ta chaussure, tu as au moins ta chaussure. Ok. Je ne dois pas répondre l'autre. Tu as envie de répondre comme ça. Tu as ton sac avec ta carte d'entrée à l'intérieur partout, ton portable partout. Pourquoi pour Dieu où on doit se soumettre et fléchir les genoux, on essaie de contourner? Attends, c'est Dieu qui a dit que une femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, écoutez bien, je comprends sa question, j'en ai déjà reçu beaucoup. Une femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est Dieu qui a dit non. Ça veut dire que lorsqu'elle prie ou qu'elle prophétise doit voiler, n'est-ce pas? Elle vient de se rendre compte que la Bible a dit que prier sans cesse. Donc, elle s'en dit implicitement, elle comprend que le Saint-Esprit vient de lui dire que si tu sais que tu pries sans cesse, voile-toi sans cesse. Amen. En fait, vous avez vu la télévision Fashion TV, oh là-bas, qui vous a dit que non, il faut qu'il fasse comme ça, comme Rihanna et autres, pour qu'on voit cela. Souvenez-vous, vous voulez plaire à ce monde si vous êtes déchu de la grâce. Amen. Oui. On amène souvent les bébés pour les imposer des mains. Non, j'ai pas dit que pour imposer, j'ai pas l'imposition des mains. L'imposition des mains est scripturaire. C'est-à-dire qu'on peut amener les enfants pour qu'on les bénisse, pour qu'on les mette sous la protection du Seigneur. Mais il parle de la doctrine, de la présentation de l'enfant au Seigneur. C'est ça qui n'est pas scripturaire d'après le Nouveau Testament. C'est différent. La chose que tu as dit par rapport à ce que tu as dit, c'est deux choses différentes. D'accord, ma soeur? C'est un peu comme ce que la soeur Chandine dit. C'est différent. Quand on parle, il y a quelqu'un qui parle des ministères des enfants là-bas, le ministère des enfants. Quand la Bible déclare dans le livre des Colossiens, on écrit que dites aux servantes, dites ici aux employés, dites ici aux femmes. On n'a pas fait un cas pour les employés pour leur dire. Tous étaient au milieu, on disait. Il y avait un jeune garçon ici, la porte pour prêcher les morts par la fenêtre. Donc les enfants étaient là, on donnait les instructions à tout le monde. On se tourne, on donne aux enfants ce que les enfants doivent faire, on donne aux femmes. D'accord? Donc il y a pas. L'école du dimanche là est anti-scripturaire. Donc, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas la doctrine par rapport à une cérémonie de présentation des enfants au Seigneur comme on voit maintenant. Mais il y a laissez les enfants venir à moi. Il a laissé les enfants venir à moi. D'accord? Jésus qui fait comme ça, après prier les bénis. C'est de notre responsabilité de prier pour ces enfants-là, pour qu'ils soient couverts par la grâce du Seigneur Jésus. D'accord? Oui. Oui. Oui, on prend qui? Je voudrais comprendre parce que vous nous avez appris que Dieu ne regarde pas l'apparence. Oui. Il ne regarde pas l'apparence, ça veut dire qu'il est dans, il voit il, dans le cœur. Non, c'est bon, c'est bien, merci. J'ai quand même compris la question. Ouvre ta Bible, on va regarder dans la Bible rapidement. Ouvre le livre de Tite. C'est elle qui va lire, d'accord? N'essayez pas d'ouvrir, elle va lire, vous allez entendre vos oreilles, d'accord? Dans sa Bible. Mais c'est ce qui est écrit dans votre Bible. En fait, s'il y a une chose que j'ai entendue comme perversité également dans l'église aujourd'hui, c'est cette perversion de l'interprétation de ce que Dieu veut dire. Dieu a déjà même dit que c'est de la boirance du cœur que la bouche parle, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que si dans ton cœur c'est pur, alors l'extérieur ça sera pur. Amen. Est-ce que vous saisissez? Amen. C'est après Timothée. Après Timothée. Ouais. C'est dans ta Bible que tu vas lire, maman, parce que ça n'a pas changé. Si tu as ouvert, tu me dis. Ok. Tite chapitre 2. Tu y es. Ok. Lis d'abord dans votre Bible, là, il y a les introductions. Il y a, vous appelez les titres qu'on a mis là-dessus. Qu'est-ce qu'on a dit? Le chapitre 2. Le titre, qu'est-ce qu'on a mis dans. Comment Tite doit exhorter les vieillards, les femmes, les jeunes hommes, les serviteurs? Et quel exemple il doit donner lui-même? Vous avez vu, c'est le résumé que les théologiens en ont fait là-bas. Et ça, c'est l'une des lettres pastorales. C'est-à-dire que si on veut regarder dans la comment conduire l'église, c'est l'une des lettres, d'accord? Cette lettre, telle que c'est écrit comme ça, c'est pour l'église. On y va. Verset 3. Quand je vais dire stop, tu stop, d'accord, maman? Ok, allons-y. 1, 2, 3, allons-y. Verset 3. Je dis que les femmes. Non, il n'y a pas je là-bas. Allons-y. Dis que les femmes âgées doivent avoir. Non, tu as sauté un mot. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Stop. Vous avez entendu ce que le Saint-Esprit a dit? Amen. Donc il y a une sainteté extérieure aussi. Il n'a pas dit que la sainteté se trouve seulement dans le cœur. Et uniquement, c'est uniquement aux femmes concernées parce que votre corps sont des aimants séduction. Vous séduisez, vous avez la propriété de séduire. Il dit que, et c'est une instruction, il dit. Donc l'apôtre, comment ça s'appelle, Tite devait prêcher cela. Que Dieu ne regarde pas seulement au cœur, il regarde aussi à l'extérieur. En tout, aussi dans ta Bible. Je voulais seulement te montrer cela. Oui, il y avait qui avait des questions. Oui, ma soeur. En fait, je voulais juste ma question me parlait un peu de ce qu'elle disait tout à l'heure. Lorsque le Seigneur regarde. Moi, je suis un peu amarre. C'est parce qu'il arrive des fois où. Bon, puisque on parle de voile quand on est en train de prier, en fait. Oui. Bon, maintenant, je prends par exemple le cas, peut-être on sort, et peut-être on est dans le taxi, je ne sais pas trop quoi. Oui. Puis, à ce moment, le Saint-Esprit nous demande d'interpréter. Ah, c'est merveilleux, ma soeur. Par rapport à quel. Ma soeur, c'est vraiment merveilleux. Ce qui est très bien, c'est que Dieu n'a pas dit que lorsqu'on a des prières ou des prophétisations dans l'église, elle a tout simplement dit que lorsqu'on a des prières. Donc, si tu vas dans le taxi, il vient de dire lorsqu'on prie. Qu'est-ce que tu en dis? Dieu n'a pas dit que dans l'église, quand vous priez, il a dit lorsque tu. Donc, ça, bon, il n'y a pas de conséquence. Il n'a pas de lieu géographique. Ça veut dire que quand tu te rends compte que tu es en train de prier, il vient de te poser que tu dois te voiler. Si à ce moment, bon, là, je n'ai pas droit. Puisque si le. Tu te tais. C'est l'obéissance là-bas. Amen. C'est la parole. Je vous dis la parole telle que c'est donnée. C'est la parole. En fait, si vous comprenez, si vous craignez Dieu. Ça va vous pousser à la soumission. Remarquez à la soeur, si j'ai dit, peut-être si elle soit, elle oublie son portable ou sa carte d'intérêt, elle va courir à le laisser. Mais si c'est le voile, non, Dieu va comprendre. Pas vrai? Celui-là qui va amener les gens en jugement, il va comprendre. C'est terminé, n'est-ce pas, frère? Que le Seigneur vous bénisse, bien aimé.